Vous êtes sur Web7 Radio. Apprendre ou à débattre. Présenté par Adrien Brachet. Bonsoir à tous. Renouveler la vie politique, c'est l'ambition sans cesse répétée par Emmanuel Macron au cours de sa campagne. Il s'y est attelé très rapidement après son élection en faisant entrer au gouvernement des personnalités issues de la société civile comme l'écologiste Nicolas Hulot, l'éditrice Françoise Nyssen, l'escrimeuse Laura Flessel ou encore l'entrepreneur Mounir Majoubi. On peut bien sûr se féliciter de cette louable intention de transformer la classe politique. Mais attention, le renouvellement des visages n'est pas suffisant et la notion de société civile, simplement définie par l'absence d'expérience politique, est souvent trompeuse. Ainsi, malgré toutes ces nouvelles têtes au gouvernement ou aux élections législatives, le renouvellement sociologique manque cruellement. Pas un seul ouvrier, agriculteur ou employé au gouvernement. Pour le sociologue Étienne Ollion, dans une interview à France 24, je cite « L'origine sociale des candidats à la République En Marche est peu diversifiée puisqu'environ 80% d'entre eux sont des cadres ou chefs d'entreprise. » Quant à Laurent Geoffrin, directeur de la rédaction de Libération, il ne mâche pas ses mots. Dans une tribune parue le 17 mai et intitulée « La France d'en haut », il écrit « On n'a pas affaire à n'importe quelle société civile, point d'ouvriers, d'employés ou de paysans et deux représentants des minorités visibles en tout et pour tout, plutôt une délégation fournie de la France d'en haut qui n'est pas née coiffée, qui doit son ascension au mérite, mais qui fréquente plus souvent la rotonde à Montparnasse que le balto à Sarcelles ou à Guéret. Sans doute est-ce le trait principal de l'ère macronienne qui s'ouvre, bien plus une redistribution des cartes au sein de la classe dirigeante qu'une ouverture à l'ensemble de cette société civile dont on se gargarise. » Fin de citation. Alors certains répondront que l'on ne peut pas renouveler en deux semaines un système qui s'est fait en plusieurs décennies, bien sûr, mais il s'agit ici de bien prendre conscience qu'il en faudra bien plus pour retisser les liens des politiques avec les citoyens français des catégories populaires qui se sentent de moins en moins représentés. Affaire à suivre, le défi est de taille. Nous débattrons d'ailleurs tout à l'heure de ce sujet avec un jeune qui a décidé d'essayer de relever ce défi du renouvellement. Mais d'abord, je salue mes chroniqueurs. Bonjour à tous. Bonjour Mathilde. Bonjour Adrien. Bonjour Raphaël. Bonjour Adrien. Bonjour Julien. Bonjour Adrien. Et puis bonjour à Arthur, notre réalisateur, comme et toujours. Oui, bonsoir Adrien, bonsoir à tous. Alors n'oubliez pas que vous aussi, chers auditeurs, vous pouvez participer à cette émission en réagissant en direct sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook et sur le chat de Web7 Radio, sur le site de web7radio.fr. Exceptionnellement, ce soir, nous ne sommes pas en direct, mais nous n'hésiterons pas dans les prochaines émissions à reprendre vos réactions durant cette émission. Alors nous avons fait le choix de suivre les élections législatives sous l'angle de la jeunesse. Pour le 93e numéro de Apprendre ou à débattre, nous recevons Pierre Cazeneuve, candidat aux législatives et président fondateur de Allons Enfants, parti jeune qui a pour ambition de renouveler la vie politique. Tout d'abord, nous irons à sa rencontre et vous ferons découvrir le projet d'Allons Enfants. Puis dans le grand débat, nous demanderons comment l'on peut réellement renouveler la vie politique. Mais tout de suite, je vous propose de faire le point sur l'actualité de la semaine avec Arthur ce soir. Et oui, alors ce soir, Corée du Sud, la nomination du nouveau Premier ministre validée. Le Parlement sud-coréen a approuvé mercredi la nomination à la tête du gouvernement de l'ancien journaliste Lee Nak-yoon, ce qui va permettre au nouveau chef de l'État Moon Jae-in de remplacer les ministres nommés par l'ex-président destitué. L'Assemblée nationale a validé la nomination du Premier ministre par 164 voix contre 20, alors que les 207 élus du Parti de la Liberté de Corée se sont abstenus. Les nominations de M. Lee, 4 fois député, a été retardée par des accusations selon lesquelles son épouse aurait utilisé en 1989 une fausse adresse pour obtenir un poste d'enseignante à Séoul. France Télévisions, qui est Yannick Letranchant, nouveau chef de l'information? À compter du 1er juin, Yannick Letranchant sera le nouveau directeur de l'information de France Télé. Il succède à ce poste à Michel Field qui avait démissionné la semaine dernière à la veille de la mise au vote d'une motion de défiance à son encontre. Yannick Letranchant, 51 ans, a mené toute sa carrière au sein du groupe audiovisuel public dont il est un pur produit. Il exerçait depuis août 2015 la fonction de directeur délégué en charge du réseau régional à France 3. Avec Dana Astier, directrice exécutive, il a eu pour mission de conduire la réorganisation du réseau à partir du 1er janvier 2017. Auparavant, il avait occupé à partir de mai 2014 le poste de directeur de France 3 Nord-Ouest. Il a aussi dirigé la coordination des rédactions nationales et régionales où il assurait la continuité d'action de la direction générale déléguée à l'information avec la supervision quotidienne des éditions et des magazines d'information. Grève des routiers. Où trouver de l'essence près de chez vous? Les conducteurs de camions transportant des matières dangereuses poursuivent ce mercredi le mouvement de grève lancé vendredi par la CGT Transport. Le syndicat demande au patronat et au gouvernement l'ouverture rapide des négociations sur les conditions de travail dans le secteur. La grève est essentiellement suivie par les chauffeurs franciliens et n'entraîne pas de pénurie malgré l'augmentation du nombre de stations franciliennes en rupture de carburant. Selon les professionnels du secteur, pourtant nombreuses sont les stations-service, surtout en Île-de-France, qui affichent une rupture partielle ou totale des carburants. Et enfin, pour finir, Afghanistan, au moins 80 morts dans un attentat à Kaboul. Un camion piégé a explosé mercredi dans le quartier diplomatique de Kaboul, faisant au moins 80 morts et plusieurs centaines de blessés, selon un bilan provisoire communiqué par le ministre afghan de la Santé. Les informations dont je dispose, c'est qu'il y a des dégâts matériels dans l'ambassade de France. Il y a aussi des dégâts matériels dans l'ambassade d'Allemagne, a indiqué pour sa part Marielle de Sarnez au micro d'Europe 1 ce matin. Voilà. Merci Arthur. Alors vous l'aurez remarqué, hein, nous enregistrons cette émission mercredi soir. Voilà. Mais bon, on espère que l'actualité n'aura pas été bouleversée d'ici après-demain. Voilà. Eh bien, je vous propose tout de suite d'aller à la rencontre de notre invité. Notre invité. Présentation. Bonjour Pierre Cazeneuve. Bonjour. Alors tu as 21 ans, tu es étudiant à Sciences Po Paris et HEC, mais surtout tu as fondé Allons Enfants, un parti politique composé exclusivement de jeunes qui veulent renouveler la vie politique. En 2014, aux élections municipales à Saint-Cloud, vous avez réussi avec Allons Enfants à obtenir 2 sièges, ce qui fait que tu es conseiller municipal de la ville de Saint-Cloud. Aux législatives, Allons Enfants présente 58 candidats dans 11 régions et toi, tu te présentes dans la 7e circonscription des Hauts-de-Seine. Alors pour commencer, je vais poser un petit peu la même question que nous avions posée il y a quelques semaines à Nathan Burlon, lui aussi jeune et candidat aux législatives. Comment un jeune de 21 ans se retrouve candidat aux législatives et comment un jeune de 21 ans lance-t-il son propre parti politique ? Oui, parce que je pense que ça va en deuxième temps en fait, finalement, oui, ça va candidat aux élections législatives. Dans l'autre sens, oui, c'est plutôt dans le sens. Peut-être partir plutôt sur comment je suis devenu candidat aux élections municipales, donc c'était en 2014, à l'époque j'avais donc 18 ans. Je pense que l'algorithme il est simple, c'est une forte envie de faire de la politique. Moi je suis né à Saint-Cloud, dans la ville dans laquelle on s'est présenté avec Allons Enfants, où est né Allons Enfants. J'y ai toujours vécu, j'ai fait mes études, j'ai eu mes amis, j'y suis encore aujourd'hui. Donc il y a une vraie volonté aussi de s'engager pour sa ville. Mais la frustration et le fait de se reconnaître finalement dans aucun parti politique, que ce soit à gauche, à droite, au centre, etc., de pas se reconnaître finalement dans l'offre proposée. Et donc du coup, quand on veut faire de la politique et qu'il n'y a aucun parti qui vous correspond, il reste qu'une dernière option, c'est de créer son propre parti. Exactement. Donc c'est ce qu'on a fait en 2014. Voilà, encore une fois, en 2014, l'initiative était très locale. Enfin, c'était vraiment redynamiser notre ville, voilà, qui avait un déficit d'activité, qui avait très peu de jeunes, très peu de commerce, très peu de bars, etc. Et donc nous, on avait vraiment eu cette volonté de redynamiser ce truc-là. Et c'est vraiment un an et demi plus tard qu'on s'est rendu compte que finalement, ce qu'on critiquait ou ce qu'on dénonçait à l'échelle locale, c'est-à-dire l'absence de jeunes en politique, l'obsolescence du clivage gauche-droite et toutes ces choses-là, trouver un écho national, si ce n'est presque plus fort qu'à l'échelle locale. Donc du coup, on a décidé de se lancer dans l'aventure nationale. Et voilà, avec l'envie de faire bouger les choses, avec l'envie de rajeunir à la fois les hommes et les femmes qui font de la politique et à la fois les idées. Voilà, et c'est comme ça qu'est né Allons Enfants, le parti en tant que tel. Raphaël. Oui, pour qu'on comprenne bien un peu les idées que défendent Allons Enfants, est-ce que vous pourriez résumer vos idées, ce que défend Allons Enfants en une phrase par exemple? Je pense que résumer Allons Enfants en 3 mots, c'est jeune, ça veut dire que tous les personnes qui sont au sein du parti sont en dessous de 25 ans, c'est participatif, dans le sens où, que ce soit à l'échelle locale ou à l'échelle nationale, on promeut une bien meilleure intégration du citoyen au processus d'élaboration de la loi et de la vie politique, et enfin transpartisan, ça veut dire qu'on part du principe que toutes les idées sont bonnes à prendre et qu'on a construit un parti avec des personnalités qui viennent de tous les horizons géographiques, politiques, sociaux, qu'on a mis autour d'une table pour discuter. Voilà, je pense que ça c'est résumé en une phrase, c'est ça. Oui, alors on aura l'occasion, je pense, de revenir après précisément sur les propositions, parce qu'il n'y a pas que, des thèmes, des idées, il y a aussi vraiment des propositions concrètes, et on parlera notamment des propositions pour le renouvellement de la vie politique. Alors on parlait tout à l'heure de votre élection au municipal à Saint-Cloud, et vous avez la particularité, Allons Enfants, de proposer aux habitants de voter en ligne ce qui va être délibéré au conseil municipal avant même donc le conseil municipal. Ça permet d'avoir l'avis des habitants. Seulement, je ne suis pas habitant de Saint-Cloud, j'ai réussi à voter. Est-ce que c'est normal ? Alors oui, c'est normal, c'est un sens qu'on n'a pas encore, on n'a pas encore le système pour bloquer de manière effective. Après, on peut voir, parce que vous êtes inscrit normalement sur le site. Non, je ne suis pas inscrit, à aucun moment. Ah, ça, c'est pas possible, par contre. Ah, j'ai voté. Ah, dans ce cas-là, ça n'a pas été pris en compte. Il faut forcément s'inscrire. Vous pouvez essayer tout de suite. Arthur va essayer. Il faut s'inscrire et donc, d'accord. Du coup, après, nous, on recheck quand même si les adresses, si le code postal est... Ça prend un peu de temps à faire la main, mais voilà. Donc, l'idée aussi, on ne se doute pas qu'il y a des personnes mal intentionnées comme qui moi, vont venir. Qui ont... Mais il y en a forcément. Voilà, partie, voilà. Le système n'est pas encore parfait, mais ça nous donne quand même une bonne impression. Et puis, C'est une des volontés de retisser comme ça une démocratie qui soit plus participative avec des habitants, avec les citoyens. C'est une des volontés d'Allons-enfants, même à l'échelle nationale. Ouais, clairement, c'est un des très grands axes d'Allons-enfants. Je pense que, et surtout, je trouve que ça a vraiment du sens à l'échelle locale. En fait, moi, je fais toujours la distinction entre une démocratie participative, voire directe, qu'on peut proposer à l'échelle locale, comme nous on le fait. Voilà, Saint-Cloud est devenu la première ville en France où les délibérations du conseil municipal étaient soumises en fait au vote à tous les habitants en amont de ce conseil municipal. Et donc nous, après, on va prendre en compte cet avis, dans le sens où ça, c'est quasiment de la démocratie qui est continue, quoi. Ça, je trouve que c'est l'échelle d'une ville est vraiment propice à faire ça, et une démocratie qui est plus consultative et qui est plus participative aussi, mais moins directe en tout cas. Ça, c'est ce qu'on veut mettre en place à l'Assemblée, c'est-à-dire, voilà, tout le monde parle de référendum, d'initiative populaire, de 500 000 voix au CICE, etc. Nous, en fait, le principe, il est simple. En tant que député, une de nos prérogatives, c'est de proposer des lois. Dès qu'il y a une loi qui sera proposée sur notre plateforme partenaire qui s'appelle Ruche.io, qui suscitera un peu d'engouement, un peu d'intérêt, ça sera automatiquement transformé en proposition de loi, pour peu qu'elle ait un minimum de sens et de cachet, quoi, dans le sens où, voilà, qu'elle... Voilà un peu nos dimensions. Alors, on parle justement de cette campagne aux législatives, et du lien que vous essayez de tisser avec les citoyens, avec les électeurs. Justement, les électeurs, les citoyens, quand vous les rencontrez, quand vous allez leur parler, quel regard ils portent sur vous? Est-ce qu'ils vous prennent toujours au sérieux? Est-ce que certaines fois, il y a, du fait de votre âge, une petite hésitation? Ou est-ce qu'au contraire, ils sont très satisfaits que des jeunes s'engagent comme ça en politique? Alors, moi, c'est un tout petit peu différent dans le sens où, après l'élection en 2014, le fait que je sois candidat dans la même ville, c'est sûr que les gens commencent à me connaître. Ah, et donc, il y a moins le même rapport qu'on avait. Mais bon, après, je suis allé tracter avec d'autres candidats, etc. Puis, il y a toujours des gens qui ne vous connaissent pas. Et il y a les deux, en fait. Il y a les personnes qui sont... qui vont vous dire le classique, mais il y a beaucoup de gens qui vont dire moi je suis vieux, ça m'intéresse pas, et donc en fait il faut arriver à leur faire comprendre que finalement en fait c'est justement parce qu'ils sont vieux qu'ils ont tout intérêt à ce que des jeunes générations prennent le relais et s'investissent de manière importante dans la vie politique. Il y a les jeunes qui vont dire moi je vote pas, je m'intéresse pas à la politique, et sur lesquels il faut aussi aller un peu les challenger, mais globalement il y a quand même un climat de bienveillance vis-à-vis d'Allons-enfants, vis-à-vis du projet. Voilà, je vends pas le Front National, quoi. Je vends un truc quand même où nous ce qu'on veut c'est plus de jeunes en politique, lutter contre l'abstention, me faire participer les citoyens. Voilà, j'ai l'impression que je vends un produit qui est assez j'ai un peu de chance, quoi. Dans le sens, je vends un produit qui est très très très clivant. J'ai un mec qui m'a dit non, c'est complètement con, il faut surtout pas de jeunes en politique, et c'est très bien que ça soit des vieux qui ont 70 ans à l'Assemblée nationale. Voilà, donc il y a un peu des deux, mais après, de là à convertir en vote, c'est là le plus compliqué. Oui, là, c'est forcément sûr. Voilà, c'est une autre paire de manches. Mais bon, on a réussi ça 1700 fois au municipal. Voilà. Ça veut dire que c'est possible. C'est possible. Raphaël. Vous avez créé Allons-enfants en partant de rien. Comment vous faites aujourd'hui pour financer votre campagne? Ça se fait par des financements privés ou par des subventions Alors, zéro subvention, parce qu'il n'y a pas de subvention pour les partis politiques. Enfin, si, mais c'est des subventions d'État auxquelles on n'est pas assez gros pour prétendre. Donc, c'est un financement privé, dans le sens où c'est le financement des individus. Je dirais qu'il y a deux points par rapport au financement. Le premier, c'est déjà, on fait tout seul. Ça veut dire que ça a été designé par un mec de chez nous. La vidéo est faite par un mec de chez nous. La communication est faite par un mec de chez nous. Enfin, on fait tout de A à Z tout seul. Déjà, on a quasiment zéro coût. Donc, les seuls coûts incompressibles auxquels on n'est pas encore capable de faire face, c'est l'impression. Dans le sens où, voilà, on n'est pas imprimeur, on est un parti politique. Et le commissaire aux comptes qu'on est obligé d'avoir. Mais donc, ça, on n'a pas encore de commissaire aux comptes en plus de 25 ans. Sachant qu'il faut 9 ans d'études, on a dit on ne l'aura jamais. Mais donc, et en plus, ça doit être indépendant. Mais donc, du coup, pour financer ça, donc là, pour la campagne, c'est entre 17 et 22 000 euros, en gros. On a été le premier parti à lancer une plateforme de crowdfunding. En fait, donc, on a fait un financement très start-up, voilà, tout ce qu'on entend aujourd'hui. De toute façon, on emploie beaucoup c'est un peu ce vocabulaire start-up qui peut être agaçant parfois, mais qui là, pour le coup, était assez à propos. Donc, en fait, voilà. Et pourquoi on est le premier parti à l'avoir fait? Parce qu'en fait, il y a une interdiction. Je parle un peu vite, excusez-moi. J'ai vu que je suis à la radio. Il y a une interdiction, en fait, pour un parti politique, quand vous êtes un parti politique, donc régi sous la loi de financement 88, en fait, l'argent doit transiter du compte de la personne vers le compte du parti directement. Sauf que tous les business models comme Ulélé, KissKissBankBank, Kickstarter, etc., eux, en fait, ils font leur bise en prenant, en fait, l'argent n'est pas directement transféré, ils jouent pendant que la cagnotte est en cours, l'argent leur appartient et c'est comme ça qu'eux investissent et se font de l'argent avant de le retransférer. Donc, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a codé de A à Z, voilà, encore une fois, le site, c'est un frais qu'on n'a pas, et puis on a des développeurs dans les enfants qui font ça bénévolement. Donc là, bénévolement, ils ont codé une plateforme de crowdfunding de A à Z qu'on a développée. Et on avait mis comme objectif 15 000 euros en 40 jours. Il reste 2-3 jours et on est à 17 000. Mmh. Voilà. Et vous allez gagner de l'argent avec les législatives aussi. Puisque en fonction des voix que vous. Chaque voix vaut 1 euro, il me semble, ouais, pour les partis politiques. Alors c'est à peu près ça, c'est 1,40 €, mais ouais. Le truc, c'est qu'il y a une barrière à l'entrée. Cette barrière à l'entrée, c'est 50 circonscriptions à 1%. Ouais. Globalement, ça va le faire pour nous, mais voilà, c'est pas, d'accord, pour ça, c'est pas pour ça qu'on a fait. C'est bien de préciser ce détail parce qu'on le sait pas forcément. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai que les gens peuvent. Il y a des partis qui font ça, en fait. Quand vous voyez, par exemple, le Front National, il y a un moment, vous vous demandez qu'est-ce qu'ils vont faire. Pourquoi ils vont se présenter pour faire 2% dans une circo, ouais. Même les micro-partis, les luttes ouvrières, etc. Voilà, en fait, eux, ils subsistent pendant 5 ans parce qu'ils ont ça. Ces subventions, voilà. Ouais. Est-ce qu'ils vont faire 1% de vote historique, etc. Et c'est assez injuste parce que les petits partis. Finalement, oui, eux n'ont pas accès à tout ça. Ils n'ont pas accès à ce truc-là. Et finalement, voilà. Mais bon, dans le sens, c'est aussi juste aussi. C'est tous les Gugus qui présentaient 40 candidats. Bon, il n'y en a pas beaucoup. pour l'instant, on est quasiment les seuls. Mais qui présentaient des candidats, recevaient de l'argent de l'État, ça serait aussi dommage. Bon, voilà, nous, il y a une barrière à l'entrée. Le parti d'un an et demi. On va être juste pour celle-là. Si on fait 30-35 au-dessus de 1%, c'est déjà formidable. Avec un peu de chance, il y aura une dissolution de l'Assemblée. Et en 2019, on est parti, on aura le truc. Mais voilà, le parti en pleine croissance, on ne l'a pas fait pour ça. On ne s'est pas présenté pour l'argent. Oui. L'argent, finalement, on s'est rendu compte qu'au jour le jour, on n'a pas besoin pour vivre, pour se développer, etc. Voilà. Donc, toi. Julien. Pourquoi, selon vous, il faut plus de jeunes à l'Assemblée? En quoi, par exemple, un député qui serait très jeune serait meilleur qu'un autre? Enfin, quels arguments vous déployez quand vous devez convaincre des gens dans la rue de voter plus pour un jeune que pour quelqu'un de plus âgé? Ouais. Il y a beaucoup d'arguments. Je vais essayer d'être synthétique. Je pense que le premier argument, qui peut paraître un peu bateau, mais qui je pense, est très vrai, c'est le fait qu'on soit né dans une génération Internet qui nous permet d'avoir, entre guillemets, une véritable connaissance des enjeux. Et en tout cas, voilà, on est habitué à ce truc-là, on comprend pas. Moi, aujourd'hui, quand je parle à des jeunes, je sais qu'ils sont lucides d'à quel point Internet va transformer, a transformé déjà la société et va le transformer encore plus, à quel point on n'est pas, même en tant que jeune, pas capable d'anticiper ces évolutions. Nous, on a juste cette lucidité en tant que jeune qu'on sait que ça va aller très vite et on sait qu'on va déjà être dépassé. Moi, je n'ai plus du tout le même comportement sur Internet et je ne comprends plus ma petite cousine qui a 15 ans. Quoi. Moi, je suis déjà dépassé à certains et il faut juste se rendre compte de ça. Et donc, du coup, en étant de cette génération Internet, bah, forcément, on est beaucoup plus à même de comprendre et de porter ces enjeux. Mais que ça soit, je parle d'Internet, mais ça va toucher l'économie collaborative, ça va toucher l'entrepreneuriat, ça va toutes ces choses-là. Je pense que ça, c'est très important d'avoir des députés jeunes qui font ça. La deuxième chose, je pense qu'il est important, c'est tout simplement, ça peut paraître un peu bateau, mais il y a aussi ce critère de représentativité aussi, dans le sens où on représente 15% de la population, censé être une assemblée représentative. Je pense que c'est sain d'avoir, pas forcément de respecter 15% exactement, mais d'avoir quelques jeunes qui vont venir représenter, parce qu'on a les mêmes aussi problématiques. Alors bien sûr, il y a des dizaines et dizaines de jeunesses différentes. Je suis beaucoup plus proche de mon voisin sociologiquement qui a 45 ans que quelqu'un qui habite dans la banlieue nord de Marseille. Je le sais, j'en suis conscient, mais on a aussi des thématiques de génération, et ces thématiques de génération, c'est celles que vous allez trouver dans le programme d'Allons Enfants, et c'est pour ça qu'on arrive à être vraiment transpartisan. C'est dans le sens où le développement durable, c'est quelque chose qui va nous toucher, nous particulièrement, le numérique, on vient d'en parler, l'éducation, l'Europe, c'est des choses sur lesquelles nous on arrive à se projeter. Et vous regardez, aujourd'hui, c'est marrant, je me suis rendu compte, parce qu'on m'a vachement challengé là-dessus, on m'a dit « ouais, mais les jeunes aujourd'hui, ils votent extrême, etc. » Et en fait, c'est vrai, les jeunes votent extrême. Mélenchon plus Le Pen, ça fait à peu près 50% de l'électorat qui vote. Des votants. Et vous regardez, et vous avez aussi, ça cohabite cette stat avec le fait qu'il y a 80% des jeunes qui veulent rester dans l'Union Européenne. Donc en fait, ils votent pour ces extrêmes, mais pas forcément pour... ils n'englobent pas dans toutes ces idées et trucs-là. Justement, je voulais. J'ai un peu perdu, mais. Non, mais justement, en parlant des extrêmes, il y a quelque chose qui est assez intéressant dans votre programme. Je rebondis là-dessus après en donnant la parole à Mathilde. Vous écrivez: seule une députée a été élue alors qu'elle n'avait pas 25 ans. Elle s'appelle Marion Maréchal Le Pen et ne porte pas les valeurs de la jeunesse française qui, elle, est tournée vers l'avenir, ouverte au monde et aux autres. Comment est-ce que vous pouvez, au sens de Allons-enfants, savoir qu'elle ne porte pas les valeurs de la jeunesse? Comment est-ce que vous pouvez parler au nom de la jeunesse, étant donné qu'on l'a dit tout à l'heure, vous n'êtes pas non plus représentative de cette jeunesse-là? C'est très juste. Et d'ailleurs, je le dis moins. Je dis que je parle au nom d'une génération, en fait. C'est vraiment plus ça, le pour moi, vous le thème. Vous dites ne porte pas les valeurs de la jeunesse. Ouais, mais on aurait peut-être dû mettre génération. Parce que, oui, mais après, elle ne porte pas les valeurs de la jeunesse, parce que je ne crois pas que la jeunesse, elle inspire à une France qui est repliée sur elle-même. Je ne pense pas que la jeunesse inspire à une France qui hérite, finalement, de ce que ses parents ont fait. Enfin, voilà, c'est ça que Marion Maréchal Le Pen incarne. C'est cette reproduction sociale, c'est cet héritage. Voilà. Je pense qu'il y a un ras-le-bol global, généralisé de la politique qui est tout à fait compréhensible. Moi, je n'ai jamais tapé sur personne qui a voté FN ou Front de Gauche, etc. Enfin, moi, mais je comprends parfaitement. C'est juste qu'aujourd'hui, l'alternative à ce truc-là, elle n'existe pas, quoi. Donc, c'est soit vous votez pour un parti traditionnel, soit vous votez vers les extrêmes. Il n'y a pas une alternative positive, et nous, c'est ce qu'on essayait de faire. Alors, après, il y a Macron qui est arrivé sur le créneau, etc. Mais une alternative positive, parce que nous, sur certains points, on va retrouver ce que peut dire un militant FN ou un dirigeant FN sur bien sûr qu'il y en a marre des affaires, bien sûr qu'il y en a marre des cumulards, bien sûr qu'il y en a marre de l'absence de représentativité, etc. Donc, nous, c'est des sujets qu'on va pas. Enfin, voilà, on va taper un peu sur ça aussi, mais derrière, on n'est pas là simplement dans la critique et la peur, et derrière, on va avoir un projet qui va être beaucoup positif. Ok, il y a ça qui va pas, on est bien d'accord avec vous, mais derrière, voilà ce qu'on propose de constructif, des aspirations. C'est impossible de parler au nom de toute la jeunesse, c'est comme si vous parliez au nom de toute la France, c'est irréalisable. Voilà, nous, on s'est dit, on a mis un maximum de diversité au sein de notre groupe. Vraiment, il y a de la diversité. Je parle pas. Il y a vraiment des gens très très différents, à la fois politiquement, à la fois sociologiquement, à la fois géographiquement. On est tombés tous ensemble sur un accord de valeurs. Voilà, si c'est un peu, ça peut emmener un maximum de jeunes autour de ça, c'est formidable. Les autres, forcément, il y aura jamais personne ne sera déjà. D'accord. Et donc, pour adhérer à votre parti, il faut être jeune. Enfin, il y a une condition à remplir pour pouvoir entrer? Pas du tout. Alors. Il y a l'adhésion et participer. Donc, quand vous adhérez au parti, c'est simplement, comme vous adhérez au Parti Socialiste ou à l'UMP, etc. En fait, c'est plus un gage de soutien. Nous, c'est gratuit. Donc, en plus, c'est vraiment. C'est plus symbolique qu'autre chose. Ça nous permet aussi de communiquer avec eux par mail, etc. Mais ça reste symbolique. Donc, ça, vous pouvez avoir tous les âges. Et après, pour rentrer dans le parti, dans le sens, faire partie intégrante de l'équipe du parti, comme votre équipe à vous, j'imagine qu'il faut être jeune aussi. Nous, c'est pareil, la limite, c'est d'être entre 18 et 25 ans. C'est comme ça que vous pouvez faire directement, prendre part aux décisions, prendre part aux choix, etc. Mais, comme on a plein de gens déjà au-dessus de 25 ans, mais aussi des très vieux, des grands-parents, des mecs qu'on a rencontrés. Sont solidaires. Qui avaient super envie de s'impliquer dans le parti. Et on s'est dit, eux, ils ont les jeunes avec Macron, les jeunes avec Fillon, les jeunes avec Jean-Luc Mélenchon. Vous avez fait les vieux avec Allons-enfants? Exactement. On a fait les vieux avec Allons-enfants. Alors, du coup, on a été un peu malin, on l'a pas appelé comme ça, parce que sinon, on n'aurait personne. On a appelé ça les aînés avec Allons-enfants, mais c'est un petit groupe qui commence à vraiment se développer. Là, si tu veux adhérer sur le site, t'as le choix entre adhérer et rentrer vraiment pour les aînés avec Allons-enfants. Voilà, c'est un petit groupe qui constitue ça à deux mois. Et l'idée, c'est vraiment de fédérer tous ces gens-là qui viennent nous soutenir, sans pour autant qu'ils viennent au sein du parti vraiment, mais qui rentrent dans l'organigramme. Et parce que Allons-enfants, c'est un parti jeune, mais c'est un parti intergénérationnel. Encore une fois, on veut pas que des jeunes en politique. On sait que c'est pas bien, c'est pas souhaitable. On veut des jeunes en politique, et donc on veut construire de manière intergénérationnelle. Oui. Ça peut paraître un peu langue de bois, mais il y a un vrai truc derrière ça. Deux questions, et puis on se laissera notre première pause musicale. J'ai deux questions, la première. Trois alors. Quel est le futur des Allons-enfants après les législatives, et votre futur personnel? Alors. Ouais, mon futur personnel, on verra. Pour l'instant, il ne sera pas forcément associé à Allons-enfants, mais surtout parce que j'ai un peu marre de la politique. Ça peut paraître bizarre, mais au bout de 3 ans, ça commence un peu à taper sur le système de parler toujours de la même chose. Puis j'ai d'autres aspirations. Ça, c'est mon avenir à moi, mais je ne vais pas m'étaler dessus parce que ce n'est pas très intéressant et que je ne suis pas là pour Pierre Cazeneuve, mais je suis là pour Allons-enfants. L'avenir d'Allons-enfants, il est rayonnant. On reçoit 200 mails par jour en ce moment pour rentrer dans le parti. On a à peu près 70 villes qu'on a a bouclé là pour lancer des antennes dès septembre. Donc Allons Enfants, ça va être une énorme réorganisation après. On va fêter les résultats, vacances, énorme réorganisation, grosse assemblée générale en septembre pour mettre tout ça en place. Et donc là, un an d'expansion et après feu sur les européennes, qui va être notre gros chantier parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Le message Allons Enfants, il est profondément européen et donc c'est hyper important pour nous d'y être. Et après, l'objectif ultime pour nous, ça s'était fixé dès qu'on a lancé le parti en 2015. Élection municipale de 2020, 10 000 jeunes dans les conseils municipaux en France. D'accord. Et la deuxième question, vous disiez que vous vouliez prendre la peur des gens qui votent aujourd'hui extrême et l'amener vers un projet plus d'espoir que vous portez vous et alternatif. Et c'est un peu aussi le credo d'Emmanuel Macron. Et donc je voulais vous demander ce que vous avez pensé de lui, notre président élu. Ouais. Alors, moi je dis toujours, il nous a tout piqué. Voilà, je veux dire, on était jeunes avant lui, on était transpartisans avant lui, on était pro-européens avant lui, voilà. Donc, Allons Enfants, ça existe depuis 2014. Finalement, quand il a sorti En Marche, on était morts de rire à quel point c'était les mêmes éléments de langage, le même positionnement finalement. Voilà, après, je pense que quand vous montez une entreprise, je ne considère pas Allons Enfants comme une entreprise, mais c'est pour la métaphore, et que vous avez un concurrent qui arrive, vous avez deux choix, ou vous dites, ah bah non, j'ai un concurrent, je suis fichu, etc. Ou vous dites, ah, il y a un concurrent, ça veut dire que le marché est mûr, ça veut dire que je suis sur la bonne initiative, sur le bon positionnement, qu'il y a quelque chose de bien dans ce que je fais, et voilà, ça crédibilise vachement ce que vous faites. Nous, on l'a pris comme ça, voilà. Bien sûr, c'est insupportable sur le marché parce que vous arrivez, on est Allons Enfants, c'est quoi vos idées? Ah, en fait, vous êtes des bébés Macron. Bah non, en fait, on n'est pas des bébés Macron. Mais, mine de rien, ça crédibilise. Il y a 3 ans, le terme transpartisan, il n'existait nulle part. On l'a inventé, c'est un néologisme absolu d'Allons Enfants. Aujourd'hui, c'est partout, quoi. Et donc, voilà, donc faut lui rendre ça. Moi, à titre personnel, j'ai certaines réserves envers la personne. Après, ce qu'il incarne, c'est un président jeune, c'est un président qui a su tendre la main aux différents partis. C'est un président qui veut booster la France. C'est un président qui moi me parle en tant que président, donc il y a des choses fantastiques que je reconnais, donc forcément qu'est-ce qui vous différencie si vous êtes concurrent? Alors, ce qui nous différencie, il y a deux choses. Déjà, je pense qu'il y a le côté très personnel d'Emmanuel Macron, voilà, En Marche et ses initiales, c'est pas pour rien. Je pense que la volonté de ce parti à l'origine, c'était quand même de mettre à la plus haute tête, à la plus haute place ce président. Ça, c'est la première partie, alors que Allons Enfants, c'est vraiment la dimension collective. Vous n'avez pas nos affiches, là sous les yeux, mais vous voyez nos affiches, c'est pas les deux gros monsieur comme ça. Oui, en effet, il y a les photos de tous les candidats. Voilà, exactement, il y a la photo de tous les candidats, parce qu'il y a vraiment ce côté collectif qui est très important pour nous, un peu de dépersonnalisation aussi de la politique, c'est très important, ça fait partie du message à nos enfants, ça c'est le premier truc, et après il y a le deuxième truc, c'est l'objectif. Voilà, nous on veut pas diriger la France, on veut pas être président de la République, on veut mettre des jeunes en politique, lutter contre l'abstention et travailler avec les générations. Donc c'est pas le même but à la fin. Rapidement une question de Julien. Je vais vous demander sur le fond les valeurs que vous défendiez, mais du coup c'est les valeurs proches d'En Marche? C'est quoi les valeurs d'En Marche en fait? C'est comme bah, ça. C'est pas le social-libéralisme, par exemple, le progressisme. Oui, le progressisme, forcément. Je pense qu'après, c'est dans la cohérence du programme global, peut-être qu'on reparlera peut-être du programme après pour voir un peu peut-être les valeurs. Je sais pas si on y revient. On va y revenir surtout par rapport au renouvellement de la vie politique. Je pense qu'il y a une tendance libérale, forcément, parce que voilà, on a envie de s'ouvrir sur le monde. Il y a une tendance européenne aussi qui est forte. Mais après, je pense qu'il y a une tendance plus écologiste déjà quand même, parce qu'on est assez extrême par rapport à un truc, mais extrême par rapport à ça. Nous, on veut vraiment sortie du nucléaire en 2050, ce genre de choses. Donc, il y a aussi ce truc-là. Mais oui, sur certaines valeurs, il y a ce côté très progressiste. Très social finalement de retrouver dans Macron, peut-être un peu plus poussé, et ce côté libéral forcément, voilà, d'ouverture, de pousser à l'entrepreneuriat, de d'ouvrir nos frontières, Voulez la fin de la 5e République du coup, si vous voulez moins de personnalisation de la vie politique? Non, en fait, on veut plus de contre-pouvoir, mais on veut pas. Oui, il y a un président. Vous voulez garder le président? Ouais, moi je veux garder le président, parce que je pense qu'il y a une personnalisation de la vie politique, mais elle n'est pas forcément contradictoire avec un homme fort. Ça peut paraître un peu bizarre ce que je veux dire, il est un peu contradictoire, mais je pense que c'est un système qui marche bien. Moi, je suis assez attaché d'avoir un président et après avoir un gouvernement, une majorité, etc. Je pense que la 5e République, elle correspond bien à la France, en fait. Et donc, du coup, je ne suis pas contre le leadership, en fait. Je trouve que c'est important d'avoir une figure de pro, etc., un leadership. Mais à la fois, je trouve que l'hyper-personnalisation qu'on a pu voir avec Sarko, qu'on voit, à mon avis, encore plus avec Macron, on va le voir plus, je pense que voilà, ça va dans un excès. Ça, il faut arriver à le contrôler, il faut arriver Voilà, mais je ne sais pas si la suppression de la figure du président soit une bonne idée, parce que de toute façon, il y a toujours des leaders d'opinion. Ce n'est pas un président, ça serait un leader majoritaire. On va parler de toutes ces possibilités pour renouveler la vie politique, pour changer la politique dans notre grand débat d'un instant à l'autre. Mais tout de suite, c'est l'heure de notre première pause musicale, Arthur. Oui, notre première pause musicale de ce soir, ce sera donc un peu de rock, cette fois-ci ACDC avec I Way to Well. On s'entend tout de suite après sur cette radio pour la suite d'Apprendre à débattre. A tout de suite. Se retrouve sur Website Radio pour la suite du 93e numéro de Apprendre ou à débattre. Nous recevons Pierre Cazeneuve, président fondateur de Allons Enfants et candidat aux législatives. Depuis l'élection d'Emmanuel Macron, c'est devenu le maître mot de la classe politique, le renouvellement de la vie politique. Avec sa loi sur la moralisation de la vie publique, François Bayrou, le nouveau garde des Sceaux, compte bien transformer les pratiques politiques. Mais avec l'affaire Ferrand et celle des attachés parlementaires, la réalité semble avoir repris le dessus. Alors comment vraiment renouveler la politique? C'est notre grand débat. Le grand débat. L'heure de vérité. Limiter à deux le nombre de mandats consécutifs, rendre obligatoire des quotas de jeunes de 18-25 ans pour les élections municipales ou élargir les référendums locaux. Voici quelques-unes des propositions de Allons Enfants pour renouveler la vie politique. Le parti composé de jeunes de 18 à 25 ans compte bien insuffler un vent nouveau à la vie politique. Quoi qu'il en soit, le sujet est au centre du débat et de la campagne des législatives. Alors comment vraiment renouveler la vie politique? Est-ce une question de morale avant tout, de nouvelles têtes, de renouvellement sociologique? C'est notre grand débat. Et comme le veut la tradition, je vais commencer par un tour de table des chroniqueurs pour déjà savoir si pour vous le renouvellement de la vie politique c'est vraiment un thème important. Et puis deuxièmement, est-ce que vous avez des idées, des propositions pour renouveler cette vie politique? Peut-être Mathilde pour commencer. Ah ben alors, oui, moi je pense que c'est très important. Depuis que je suis en âge d'entendre les noms des candidats, c'est toujours les mêmes, c'est Sarkozy, NKM, et je trouve que c'est pas normal. Et c'est, on a pas vraiment le choix, et c'est toujours les mêmes têtes qui nous sont imposées, et il devrait y avoir une plus large palette à chaque élection. Peut-être des solutions pour ça, pour qu'il y ait plus de pour qu'il y ait une palette plus large de candidats. Je pourrais me présenter. Ah, puis après on verra. Bah on attend. Ah, Julien. Bah non, Julien va se présenter face à toi. Non. Raphaël. Oui, moi je pense que déjà il faut définir ce que le renouvellement, parce qu'après il y a un renouvellement sociologique qui peut aussi paraître important pour plus de représentativité. On parlait de la représentativité des jeunes à l'Assemblée. Mais je pense que ce qui est important, c'est que les citoyens s'investissent plus dans le débat public. Genre, c'est ça, pour moi, le fondement de la démocratie. Et donc, ça passe par... Pour moi, la politique n'est pas forcément un métier en soi. Et devrait... C'est pas un peu contradictoire de se revendiquer libéral et de... Pardon ? Pardon, je suis désolé. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire de se revendiquer libéral et de vouloir absolument imposer des quotas de jeunes ? Non, je me revendique pas libéral de 1. De 2, j'avais pas être quota. Bah, un peu quand même. Non, pas du tout. J'ai dit que c'était bien si les jeunes, si les citoyens s'investissaient. Après, il y a une élection et il y a le peuple souverain. Mais Julien, ouais. Alors, le renouvellement de la physique. Non, mais par exemple, je pose aussi la question. Est-ce que, tout à l'heure, tu réclamais des valeurs libérales pour Allons Enfants. Est-ce que c'est libéral de vouloir imposer forcément 10% de jeunes dans les listes pour les municipales, par exemple? Alors, en fait, je pense que... Simplement, il faut sortir de ces étiquettes. Je pense qu'il faut sortir de l'étiquette gauche-droite et de l'étiquette libéral-conservateur. Je pense qu'à un moment, il faut toujours de la mesure en tout. Donc, c'est pas parce qu'on prône un libéralisme économique qui est pour moi une ouverture et puis voilà, peut-être plus de liberté aussi, même en interne. Je pense pas qu'avoir une politique de quotas, même si elle peut faire un peu peur, soit forcément une entrave au libéralisme et à la liberté. Bien sûr que c'est, on impose quelque chose, mais en soi, le libéralisme, comme tout, doit être pris avec mesure. Donc, si on peut en faire une petite entrave, notamment sur des sujets qui sont importants. On parle des jeunes, mais quand on a fait une entrave au libéralisme pour avoir une meilleure parité homme-femme, ça a été quelque chose de formidable. Et heureusement qu'on est allé à l'encontre du libéralisme. Voilà, donc je pense que, encore une fois, il faut sortir de ces cases préétablies, prédéfinies, pour toujours prendre la juste mesure et essayer de prendre ce qu'il y a de meilleur dans chaque concept. Et encore une fois, je pense que l'excès de libéralisme est mauvais, notamment quand il nous empêche de légiférer justement. Justement, quand vous parlez du quota de jeunes, vous parlez donc dans la première moitié de la liste, mais quand vous parlez de la parité, il n'y a pas de conditions en première moitié de liste ou même de circonscription gagnable. Alors, je peux peut-être reformuler ma question si vous voulez. Non, j'ai compris, mais en fait, je vois pas où. Parce que s'il y a pas de... Mais c'est-à-dire que par exemple, je sais que c'est assez commun chez les Républicains de mettre des femmes là où elles ne seront peut-être pas élues. Ah, d'accord. Et dans les circonscriptions. Est-ce que vous êtes favorable à ce système-là pour les femmes aussi? Parce qu'il est proposé dans deux autres mesures. Alors, moi, je suis encore plus extrême que ça, mais c'est pas la ligne du parti, malheureusement, c'est une idée qui n'est pas passée. Moi, pour les femmes, en fait, pour. Alors, déjà, la parité pour la première partie, puisqu'en fait, la parité, elle est obligatoirement absolue sur les listes municipales, donc ça veut dire que de toute façon, que ce soit en première ou en deuxième partie, vu que c'est 50-50, forcément, et alterné, c'est-à-dire un homme, une femme, un homme, une femme, un homme, une femme, ouais. ça change pas. Donc du coup, ça c'est de fait, c'est dans la première moitié et la deuxième moitié de manière équitable. Ça c'est pour les élections municipales. Pour les élections nationales, alors forcément, il y a des sanctions financières. La ligne du parti, c'est de durcir très fortement ces sanctions financières. Elles ne dissuadent pas. Pour l'instant, elles ne sont pas dissuasives. Moi, ma solution, elle est encore plus extrême. Alors, attention, je vais me faire torpiller par le libéralisme. Mais moi, je propose en fait de faire des duos. Donc en fait, vous élisez des binômes paritaires. Donc en fait, au lieu d'avoir... un maire, vous avez... Non, pas à l'échelle de la mairie, à l'échelle des députés. Parce que la mairie, c'est encore... Encore une fois, c'est paritaire sur le conseil municipal. Et de toute façon, le maire, vous n'élisez jamais un maire, vous élisez un conseil municipal. Oui, bien sûr. Okay, donc le député... Ce qu'on fait, c'est que vous élisez des binômes. Donc au lieu d'avoir... On va partir sur le fait qu'on a 500 circonscriptions. On a 527, mais on va pas faire les maths. Donc on va passer à 250 circonscriptions. Et sur chacune des circonscriptions, vous votez à chaque fois pour deux personnes, pour un binôme. Donc ça veut dire qu'à la fin, vous vous retrouvez forcément avec une Assemblée nationale paritaire. Voilà. Vous avez compris, c'est pas forcément très clair. C'est une bonne idée. Mais voilà. Et donc ça, c'est la seule solution que j'ai trouvée à part faire des sanctions drastiques. Mais je pense que c'est quand c'est piloté par des sanctions financières, c'est forcément mauvais. Alors je préfère les mettre sur le fait accompli. Aujourd'hui, c'est des binômes paritaires, mais jamais dans le bon sens. Et donc c'est un peu Moi, je trouve ça un peu agaçant et voilà, ça, au début, ça sera forcément un peu injuste et il y aura des problèmes et il y aura forcément peut-être des déficits de compétences sur certains postes. Mais à terme, ça va aussi casser une barrière et donc il y aura beaucoup plus de femmes qui vont vouloir s'engager en politique, qui vont arrêter de, comme ça peut être le cas, on voit qu'il y en a moins aujourd'hui, que ce soit dans les militants, etc., bah, qui vont voilà, prendre toute la place qui doit être la leur dans cette vie politique. Mmh. Même si ça doit être un peu rigoriste au début. Mmh. Voilà, et je suis sûr, et encore une fois, ma grande défense contre ces quotas, parce que je sens que je vais me faire torpiller, moi, c'est toujours des mesures qui sont dans le court terme. Je m'explique. Je pense que si vous mettez une obligation de binôme paritaire homme-femme pour les prochaines élections législatives, vous faites ça sur 15-20 ans, vous retirez la loi, la prochaine fois que vous faites ça sans la loi, c'est paritaire. C'est ce que je veux dire. Oui, on peut espérer que ça permette à la société de s'adapter. Exactement, c'est juste un moment où il faut se rendre compte. Et c'est pareil pour les jeunes. Aujourd'hui, les jeunes en politique, c'est considéré comme un truc complètement hallucinant, etc. En fait, ça devrait être une banalité, ça devrait être normal. En fait, moi, je ne prône pas quelque chose de... Je ne suis pas un extrême. Je répare une injustice, qui est l'absence de jeunes en politique. Réponse de Julien sur les binômes. Non, mais je comprends l'idée, je la note. est-ce que tu y adhères à cette idée? C'est un peu ce qui nous intéresse. Mais à ce moment-là, ça veut dire que, par exemple, si deux femmes veulent se présenter, elles ne pourront pas le faire ensemble. Ah non, c'est... Dans 15 ans. Une parité, voilà, dans 15 ans. D'accord, dans 15 ans. Mais forcément, ça peut paraître un peu... Encore une fois, ça peut paraître un peu rigoriste, mais je pense que c'est une étape qui est nécessaire, parce que les gens, ils disent, ouais, mais ça va avec le temps, etc. Ça va s'améliorer, regarde, il y en a de plus en plus, ou... Mais en fait, dans la vraie vie, si vous n'avez pas ces actions un peu fortes et ces coups de gueule et ces trucs un peu extrêmes, les changements, ils sont trop longs. Voilà. Donc, moi, j'ai envie de pousser. Et donc, quitte à faire aussi un binôme avec un vieux, un jeune Ça serait formidable, ça. Mais puis après, jusqu'où ça pourrait aller? Non, mais voilà, et encore une fois, et voilà, ça, c'est le dernier argument, c'est s'il faut 15% de jeunes, il faut aussi 5% d'homosexuels, 2% de transsexuels, 7% de musulmans, etc. En fait, c'est pas ça, la vraie vie. C'est que nous, on constate un déficit de représentativité. On veut pas que ça soit absolument au pourcentage près, on veut juste, voilà, aujourd'hui il n'y a pas un jeune, on en veut juste quelques-uns, parce que c'est normal, ça devrait être normal. Et de la même manière, on va parler de la représentativité, vous avez parlé de la représentativité sociologique, je pense elle est très importante, mais je pense qu'aussi en termes de confession, etc., je pense qu'il y a des sujets aujourd'hui. Et alors, comment on fait concrètement, par exemple, pour permettre plus de représentativité sociologique ou de confession, par exemple? Est-ce qu'il y a des propositions, des idées, peut-être? Il y a des idées, mais il faut faire attention non plus à pas tomber, parce que je pense que si un parti jeune, comme une radio jeune, mais je pense que si on commence à avoir des partis un peu communautaires, ça peut commencer à être un peu compliqué. Oui, bien sûr. Et comment faire, par exemple, pour que au sein des partis politiques, il y ait plus d'ouvriers, plus d'employés qui accèdent à des postes de responsabilité, qui soient présentés sur des listes, par exemple? Comment on peut faire pour les pousser dans les partis politiques, comme on fait avec les jeunes, en fait, finalement? Comme vous voulez faire aux enfants avec les jeunes. Je pense que ça demande une volonté, en fait, de la part de ceux qui aujourd'hui sont à la tête des trucs. Quoi. Voilà, si Macron avait voulu mettre deux ministres ouvriers, il aurait très bien pu les mettre. Après, il ne faut pas non plus. Est-ce que c'est légitime de le faire? Voilà, c'est ça un peu la question. C'est est-ce qu'à un moment, là on parle d'un député, on parle d'un conseiller municipal, c'est pas la même échelle non plus. Quoi. Quand vous êtes devenu ministre, ça demande un niveau de compétence et de connaissance qui est insoupçonnable pour. Même pour une personne comme nous, enfin, je veux dire, pour les approcher un minimum de près pour voir ce qu'ils font dans la journée, c'est juste que c'est pas des choses, c'est pas anodin ce qu'ils font. C'est des surhommes et des surfemmes, quoi. C'est, je veux dire, c'est quand même des capacités intellectuelles et tout, c'est quand même des mecs brillantissimes qui déploient une charge de boulot énorme et c'est pas accessible à tout le monde, il faut être honnête. Après, je pense que dans les métiers de représentation, qui est l'Assemblée nationale, les conseils municipaux, ça, je pense que ça devrait être tout à fait. Pas obligatoire, mais ça devrait être incité par les partis, par les dirigeants des partis, de mettre justement des ouvriers, de mettre justement des paysans, parce qu'on s'enrichirait de cette diversité. Voilà, le poste de ministre, et vous avez votre ministère, vous êtes le chef d'une équipe et vous portez une ligne, quoi. L'Assemblée nationale, c'est censé être un lieu de débat, d'échange, de cohabitation entre différents profils. Voilà, ça a beaucoup plus de sens et beaucoup plus de gueule, et nous, on veut féliciter. Alors, à notre maigre échelle, nous, on a essayé de mettre un maximum de diversité, mais c'était facile parce qu'on a refusé personne de base. Donc voilà, mais on a essayé d'aller chercher, ce qui était plus compliqué parce que vous n'avez pas forcément des jeunes qui sont en situation difficile ou des jeunes actifs qui font pas forcément la même chose. Enfin voilà, le parti, il est né à Saint-Cloud. Moi, je suis à Sciences Po, c'est d'abord les premiers cercles qu'on touche. Hein, forcément, les premières personnes qui ont intégré à nos enfants vous ressemblent, quoi, dans le sens. C'est absolument pas représentatif de la France, donc il faut. Mais ça a demandé quelque chose de proactif, en fait. Oui, c'est ça, il faut avoir une volonté. Qu'on ait un policier en Meurthe-et-Moselle, qu'on ait 5 candidats dans le 93, bah, ça vient pas tout seul, ça vient aussi de cette volonté d'aller chercher. Voilà. Alors, c'est pas parfait encore, on est très très loin de la perfection, mais je pense qu'il faut aller chercher ces types-là, parce qu'ils viennent pas forcément, et ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à nous apprendre, et même à ceux qui prétendent ne plus rien avoir à apprendre. Et du coup, dans votre logique, n'importe qui, ou plutôt tout le monde, peut être assez compétent pour être député tant qu'il est assez motivé. Il n'y a pas un bagage, finalement, à avoir En fait, je crois pas. Non. Je crois pas. Alors, forcément, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de députés très, très mauvais, déjà. Je ne m'en sors pas compte, mais je pense qu'il y a un nombre de députés qui ne servent à rien, qui sont une espèce de barreaux. C'est pas un peu facile aussi de dire ça. Non, mais je crois que c'est vrai. Enfin, j'ai fait pas mal de droits constitués, etc. Et on s'amusait. J'ai quelques amis qui sont administrateurs de l'Assemblée nationale. Et on s'amusait à regarder. Aujourd'hui, il y a des députés, ça fait 10 ans qu'ils sont là. Et ils déposent encore des amendements qui sont irrécevables. Enfin, c'est leur métier. C'est là un seul truc à savoir. C'est l'article 41 de la Constitution. Il y a encore des types. Ils vont te mettre l'article qui n'est pas recevable. Et ils s'en rendent pas compte, quoi. Et donc, non, si, c'est sûr qu'il y a des mecs. Il y a des tocards à l'Assemblée. Voilà. Et pourtant, il y a des tocards qui ont fait des grandes études, etc. Donc, je pense pas que ce soit le niveau d'études ou l'origine sociale qui définissent la performance d'un député. Et je pense que, voilà, il y a des gens qui sont d'origine plus modeste ou qui font des métiers plus modestes qui peuvent avoir déjà une volonté d'engagement beaucoup plus forte. Alors, certes, faut apprendre. C'est long à apprendre. C'est quoi le process? Comment ça marche? Qu'est-ce que j'ai le droit de déposer comme amendement? Mais ça, encore une fois, il y a des gens qui sont là pour les accompagner. Ça fait aussi partie de la réforme, de renouvellement politique. Parce que pour renouveler la politique, bizarrement, il faut réduire le nombre de députés et augmenter les moyens à leur disposition pour que justement ils puissent être formés. Parce qu'aujourd'hui, vous avez à peu près un administrateur pour 50 députés. Pardon de vous couper. Hein. Et vous voulez... Je parle beaucoup, coupez moins. Hein, non, mais je dis, c'est vrai qu'il y a beaucoup de candidats. Enfin, ils veulent tous réduire le nombre de députés. Ça a l'air d'être une proposition hyper populaire. Mais en même temps, vous voulez plus de, par exemple, d'ouvriers, de paysans, plus de jeunes. Est-ce que plus on réduit le nombre de députés, plus ça fait pas un peu effet club entre ceux qui sont dans l'élite politique et qui peuvent le devenir? Je pense parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de députés qu'on connaît pas, par exemple. Le fait qu'il y en ait 577, ça permet d'avoir beaucoup de gens. C'est vrai. Mais je pense pas que la solution pour attirer plus de mecs, ça soit de doubler les effectifs de l'Assemblée nationale. Donc là, c'est sûr, si on passe à 10 000 députés, on va quand même réussir à mettre. Mais je pense que, je dois être honnête, j'ai jamais pris, on m'a jamais posé la question comme ça, et ça, c'est vrai. C'est sûr que ça va rendre le truc encore un peu plus compliqué. C'est pour ça que je l'ai amené comme ça. C'est-à-dire que moi, je veux réduire le nombre de députés pour leur donner plus de moyens. Et plus de moyens, c'est plus de fonctionnaires à leur disposition, plus d'administrateurs, pour être beaucoup mieux accompagné au sein de cette Assemblée nationale. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous arrivez à l'Assemblée nationale, si vous avez un groupe, encore ça va, mais si en plus vous n'avez pas de groupe parlementaire, mais laissez tomber. Vous passez 5 ans à ne rien piger à ce qui se passe autour de vous et ne pas avoir le temps et ne pas pouvoir avoir le truc de pouvoir faire quoi que ce soit parce que ça va trop vite, c'est trop long, c'est trop compliqué. Quoi. Donc il faut. Voilà, ça fait partie de ce truc. Mais c'est vrai que c'est juste. On rend la tâche encore un peu plus difficile, mais je pense que c'est important aussi. Pour la représentativité, il y avait une mesure qui a été retrouvée dans pas mal de programmes de personnes plutôt à gauche, même si vous dites que la gauche et la droite n'existe plus, mais voilà, pour situer. Et donc c'était le tirage au sort des citoyens. Pour intégrer l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois pas que vous le proposiez. Non. Mais c'est pour le Sénat plutôt, non? Parce que l'Assemblée nationale. Oui, c'est pour ceux qui le proposent, c'est surtout pour le Sénat, oui. Alors nous, le Sénat, on veut le supprimer, donc forcément, on n'a pas pu proposer. Oui, je voulais vous demander aussi votre avis sur le bicamérisme. On y viendra. Non, moi, je trouve ça con, cette idée de tirage au sort. Je trouve que c'est vraiment du populisme mal placé. Je pense qu'il y a un régime dans un régime représentatif, hein, c'est. c'est un régime qui marche, mais c'est aujourd'hui un régime qui a des gros problèmes, parce qu'il n'a pas su s'adapter. Parce qu'à la fois, il y a un déficit de représentativité dans les personnes, et à la fois, c'est un régime qui ne s'est pas adapté dans la manière d'échanger. Donc forcément, le fameux tirage au sort athénien que tout le monde va vous prenez, les Gugus, déjà, avec que les hommes qui votaient, qui pouvaient participer, donc c'est pendant que les femmes et les esclaves travaillaient, donc forcément, c'est plus facile de mettre en place une société comme ça. Et deuxièmement, ils étaient 200, quoi. Donc aujourd'hui, on est arrivé... Donc il y a eu toute la période où on était beaucoup trop nombreux, et donc ça, c'était jusqu'aux années 2000. Ok, donc là, on était 55 millions de types, donc faire gouverner un peu tout le monde, c'était impossible, donc il y avait la nécessité d'avoir ce truc de représentativité. Mais maintenant, il y a un truc génial qui est arrivé, qui s'appelle Internet, qui s'appelle les nouvelles technologies, et donc on peut beaucoup plus faire participer, parce qu'il y a une volonté de participer des citoyens. Ça, vous ne pouvez pas leur empêcher. Il y a des gens qui ont envie de s'investir, qui ont envie d'être mieux informés, qui ont envie de peser sur la décision, et pas seulement une fois tous les 5 ans en votant. Et ça, aujourd'hui, on peut le faire, et personne ne le propose. Donc là, forcément, il y a une frustration. Donc le tirage au sort, c'est de la poudre de perlimpinpin. Ça, c'était un défi que j'avais. Il fallait que dans la soirée électorale, des fois, je place poudre de perlimpinpin. C'est la poudre de perlimpinpin. C'est pas facile à placer. Il faut que les gens qui fassent de la politique en aient envie. Voilà, il faut juste que ça soit pas tout le temps les mêmes personnes, et il faut juste qu'ils comprennent qu'ils n'ont pas un ticket d'or pour 5 ans et qu'il y a plein de gens qui ont envie de s'investir, et leur rôle va être aussi de faire participer ces gens. Moi, il y a un truc que j'ai pas compris, c'est que vous voulez réduire le nombre de députés à 250. 400 ouais. Ah oui, mais pour l'exemple, mais c'est pas dans notre programme, malheureusement. Pardon. Ah d'accord, non mais parce que... Ouais. C'est mon rêve, ça. Ah d'accord, mais c'est pas très compatible avec les binômes, non? Non, c'est 400 hein, dans le binôme, c'est 400 dans le programme. Ils proposent pas les binômes dans ce programme. Les binômes, malheureusement, je les propose pas. Oui, c'est sûr. Oui. Ah d'accord, mais de toute façon, il y a le même nombre de députés à la fin, c'est juste qu'il y a plus de binômes. Par exemple, là, si on veut 400 députés, on aura 200 binômes, mais donc ça sera 200 fois 2, donc 400 députés à la fin aussi. Mm-hmm. C'est juste qu'il y aura 200 circonscriptions. Oui, ouais. Au lieu de 400. Oui. Voilà. Mais il y aura toujours le même nombre de députés à la fin. Donc là, en fait, si on le faisait aujourd'hui, il y aurait 570 divisé par 2, 285 circonscriptions. Pardon. Oui, du coup, si on peut revenir sur le bicamérisme, pourquoi vous pensez que le Sénat est superflu? Pas tout à fait dit superflu. Déjà, je pense que c'est un mouroir qui aujourd'hui est trusté par des personnes avec 70 ans de moyenne et que c'est pas possible. La fameuse chambre des sages, c'est pas vrai, on n'est pas sage parce qu'on est vieux. Enfin, ça, c'est pas possible, quoi. C'est que les gens viennent dans cette institution pour y mourir. C'est pas une maison de retraite de la politique, quoi. Non, mais c'est vrai, il faut dire les choses franchement. Enfin, c'est hallucinant le nombre de sénateurs qui meurent en fonction, quoi. Enfin, c'est pas normal, c'est pas une maison de retraite de la fonction politique. Mais ça, c'est le problème. Deuxièmement, c'est quelque chose qui est pas démocratique dans le sens où. C'est une élection qui est indirecte, donc ça veut dire que par exemple moi je peux pas être sénateur, je trouve ça pas normal, donc il y a un déficit de démocratie, je vois pas pourquoi ces gens-là auraient forcément besoin d'être issus de ce truc-là. On a déjà une chambre qui moi, me paraît suffisante, donc ils ont quand même beaucoup de pouvoir, quoi, notamment sur l'administration des territoires, qui ils ont un droit de veto quasiment, et aujourd'hui c'est un des sujets les plus importants, et nous on en parle aussi vachement, voilà, pour supprimer les départements. Il faut supprimer le Sénat avant, parce que de toute façon, ils accepteront jamais. Donc voilà, ils ont ce truc de blocage. Voilà, et puis après, ça ralentit vachement le processus législatif. Alors Macron, il se trompe encore une fois. Encore une fois, non, mais malheureusement, il se trompe, parce que ça fait partie des trucs de ne pas avoir été élu. C'est pareil pour la taxe d'habitation. S'il avait fait 5 ans au conseil municipal, il aurait tout de suite compris. Lui, ce qu'il dit, c'est on va accélérer le processus législatif et donc du coup on va faire qu'une seule navette. En fait, c'est complètement con parce que déjà les députés aujourd'hui, ils ont pas assez de temps pour lire la loi et pour la faire. Dans le sens où aujourd'hui, vous recevez un PLFSS, ça fait 1600 pages, vous avez 2 semaines pour le lire, l'analyser et la demander. Mais personne ne le fait, personne n'est capable de le faire, et en plus vous avez personne pour vous aider à le faire parce qu'il n'y a pas assez d'administrateurs à l'Assemblée nationale. Donc ce qu'il faut faire, au lieu de raccourcir cette navette-là et donc de mettre encore moins de temps pour les députés de connaître la loi et de pouvoir l'amender de manière intelligente et pas simplement dans le superflu pour passer à la télé le mercredi, eh ben, il faut simplement supprimer le Sénat. Ça permettrait de doubler le temps à disposition des députés pour vraiment prendre le temps de prendre connaissance de la loi, d'être informé, d'être, voilà, des députés. Moi, je veux des députés forts dans cette République. Donc, je ne suis pas pour une 6e République, mais je suis pour une 5e République où le député reprend toute sa place, toute sa force de force de proposition de loi. D'ailleurs, j'ai une dernière question. Pour les jeunes, est-ce que vous pensez qu'on devrait abaisser l'âge du droit de vote à 16 ans? Et est-ce qu'on devrait pouvoir se présenter à 16 ans ou même peut-être encore plus bas, enfin 15, je sais pas. Je suis assez... Ça devient allez, 10 ans pour devenir député. Faut mettre de la jeunesse. Non, je suis assez mitigé. Je pense qu'il faut faire attention pour pas tomber dans le jeunisme. C'est important. Est-ce que c'est 18 ans la bonne année? La raison historique du 18 ans, c'est à 18 ans, vous pouvez être mobilisé pour aller à l'armée. Voilà. Donc, à partir du moment où vous payez vos impôts, et vous êtes, enfin, d'être susceptible de payer des impôts et d'être mobilisé pour aller à la guerre, vous avez la légitimité d'avoir le droit de vote. Et normal, c'est aujourd'hui le droit de vote qui correspond à votre émancipation en tant que personne. Voilà, je pense qu'avant, pas forcément une bonne idée justement parce qu'il n'y a pas cette émancipation, il n'y a pas cette liberté. Mais bon, après, il y a des gens à 17 ans qui sont plus matures que les mecs à 25, c'est pas une règle absolue. Donc je suis pas un fervent défenseur du vote à 16 ans. Je pense que ça, pour les grosses élections en fait, ou pour les petites élections par contre, ça aura un peu plus de gueule quoi. Voilà, pour une municipale, que les gens qui ont 16 ans puissent voter parce que ça les concerne directement et peut-être encore plus que les gens qui ont 30 ans qui finalement habitent plus vraiment dans la ville, ou les gens qui ont 25 ans qui sont étudiants, etc. Les gens quand vous avez 16 ans, bah voilà, c'est votre skatepark, c'est votre les ouvertures de votre piscine, c'est l'avenir de votre lycée. Donc ça, pour le coup, je trouve que ça aurait du sens. Voilà, peut-être une échelle nationale, pourquoi pas, mais il faut réfléchir. Mais pour l'instant, non. Une dernière question pour terminer ce débat rapidement, un petit mot peut-être sur la question de la morale, hein, puisque c'est une question qui est revenue sans cesse dans les débats, et le renouvellement passe aussi par ça, par un renouvellement des méthodes politiques. D'ailleurs, bah voilà, il y a le débat sur la loi de la moralisation de la vie politique, quoi, de la vie publique, qui finalement ne s'appellera pas comme ça, a priori on l'a appris. Est-ce que c'est une priorité? Est-ce que c'est quelque chose qui te parle un peu moins, qui est moins important dans l'immédiat, la question de la morale? Ce que j'aime dire, c'est que là, à 22 ans, on n'a ni femme ni enfant, donc il n'y a pas d'emploi fictif, il n'y a pas de. Non, mais c'est vrai, ça nous permet une certaine innocence. Là, bah, je paye directement pas encore d'impôts, enfin, je les paye parce que j'ai travaillé, je suis en stage, etc. Donc je paye des cotisations, mais et la TVA, mais je paye pas d'impôts, etc. Ouais. Donc je peux pas frauder non plus au fisc, voilà, il y a ces trucs-là. Bien sûr que c'est important. Bien sûr que c'est important, c'est essentiel, même c'est ça qui. C'est le terreau du Front National. Mais même en dehors de ça, en fait, c'est insupportable de voir ce genre de comportement, de voir. Voilà, c'est de l'argent public, il doit avoir une transparence forte, il doit avoir une moralité, une exigence. Voilà, vous êtes représentant de la nation, enfin, c'est un honneur qui est gigantesque. Voilà, je pense que c'est un sujet sur lequel il faut être intraitable, que ce soit sur les enfants, mais ça, maintenant, c'est devenu la mode avec Fillon, mais ouais. Nous, on en parlait avant déjà, hein, ce truc-là. Mais c'est sur tout le reste, quoi. C'est sur les comportements, c'est sur toutes ces choses-là. Je pense que la morale en politique, il y a un gros déficit. Et après, il ne faut pas non plus tomber dans l'excès. Non, toujours ne pas tomber dans l'excès, mais voilà, il faut faire quelque chose. Voilà. Il faut lutter. On ne sait pas ce que ça va donner la loi Macron, mais. On va voir ce que ça va donner. Merci Pierre, alors on va continuer un petit peu juste après notre pause musicale, on terminera l'émission avec les tops et les flops. Tu veux pas faire les tops? On va faire une petite pause musicale avant si comme d'habitude, et puis on se retrouve juste après pour les tops et les flops. Arthur, qu'est-ce qui est top programme? Coldplay, In Love for the Weekend. Voilà, c'est ça. Allez, à tout de suite. Yeah. se retrouve sur Webset Radio pour la fin du 93e numéro de Apprendre ou à débattre. Nous recevons Pierre Cazeneuve, président fondateur du parti Allons Enfants et candidat aux législatives dans la 7e circonscription des Hauts-de-Seine. Mais tout de suite, bien, comme toujours, pour terminer l'émission, ce sont les tops et les flops. Et maintenant, les tops et les flops. On termine donc par un top et ou un flop, quelque chose qui vous a plu, qui vous a déplu dans l'actualité. C'est un classique maintenant dans cette émission. Et bah, comme toujours, on va commencer par Arthur. Ah bah si tu veux, bon, je sais pas, bref, pas. Il est au taquet, Arthur. Ouais, voilà, ce soir, oui, exactement. Je sors de mon émission, je suis fatigué. Non, mais il est au taquet. Oui, quand même. Dis que je t'annonce. C'est ça, voilà. Alors j'ai deux tops ce soir. Mon premier top, c'est Roland Garros. Voilà. Et qui a commencé il n'y a pas longtemps, même si ça met un bazar. Même si ça met un bazar monstrueux sur Boulogne, c'est pas grave. Je suis Roland Garros avec beaucoup de fermeté. Et ensuite, mon deuxième top. Voilà, c'est ça. Et mon deuxième top, c'est que je suis en vacances vendredi. Voilà, ça va faire du bien enfin. Il y a le bac après. Je sais, mais je suis quand même en vacances vendredi. Raphaël. Alors mon top, c'est un peu le même qu'Arthur, sauf que moi je suis allé à Roland Garros dimanche. Du coup, c'est ça mon top. Et il faisait très très chaud. Très, très j'ai beau. Pas eu les passes presse cette année via Webset Radio, c'est dommage d'ailleurs. Ouais, on pourrait se faire inviter, Adrien. Comment dois-je prendre ça? Et mon flop, c'est l'attentat qui a eu à Kaboul aujourd'hui, qui a fait plus Arthur de 90 morts. Ouais. Chiffre provisoire. Non, c'est plus 90. 90 maintenant. Ouais. Bon, provisoire tout à l'heure. Malheureusement. Mathilde. Alors moi, mon top, c'est les débuts des politiques diplomatiques de Macron, qui a reçu Vladimir Poutine. Ouais, et le G7. Et mon flop, c'est un flop un peu. Enfin, beaucoup, c'est tous les attentats qui ont eu lieu depuis notre dernière émission, c'était il y a quoi, 3 semaines. Il y a déjà, enfin, il y a eu l'Égypte, ouais, Manchester, y a eu l'ascension, ouais. Et là, aujourd'hui, Kaboul. Je trouve que ça fait un peu beaucoup quand même. Julien. J'ai deux flops. C'est bien, ça complète avec Arthur, ça équilibre. Le premier flop, c'est la roche, faut allumer ton micro. Je... Ah, parce que je l'éteins, parce qu'à chaque fois on a des conversations. Donc, on va pas en dire plus, alors, aux auditeurs. Mon premier flop, c'est la dégradation de la tombe du général de Gaulle. C'est un flop. Hein. Et mon deuxième flop, j'ai perdu. Ah oui, voilà, c'est Trump qui veut sortir de l'accord sur le climat. C'est dommage, parce qu'ils avaient réussi à se mettre d'accord à 195 pays. Et que ça le plus grand pays, enfin, une des plus grandes puissances se retire, je trouve ça vraiment dommage. C'est pas encore signé. C'est bien parti, quoi. C'est pressenti, ouais. Pierre, peut-être un top, un flop. J'avais pas préparé, mais un flop, Roland Garros, moi, plus que top, avec l'élimination de Tsonga. Je crois qu'il y a. Voilà, oui, mais il y a quand même quelques Français qualifiés, quand même. Ouais, ouais. Avec Tsonga. Ouais, mais là, quand même, la Fédération française de la loose a tapé fort dans ces 3 premiers jours. Franchement, c'est quand même assez hallucinant. Donc, voilà, Roland Garros au top. Un top, le début de la sauvegarde hier. Voilà. C'est bien, ça change un peu. Exactement. Donc, moi, j'étais fou de joie à l'idée de retrouver cette série. Et bien moi je vais terminer avec mon top et mon flop. Mon top, c'est pour une pièce qui est désormais devenue mythique, la cantatrice chauve de Eugène Ionesco, et qui au théâtre de la Huchette, ça fait 60 ans qu'il joue la même pièce, donc j'ai eu l'occasion de m'y rendre, et c'est quand même assez amusant de se dire que ça fait 60 ans qu'il joue tous les soirs la même pièce. Donc si vous avez l'occasion d'y aller, n'hésitez pas, la salle est pleine tous les soirs. Avec les mêmes acteurs? Non, je crois quand même que ce ne sont pas quand même les mêmes acteurs, parce que sinon bon, fait... ils sont un peu fatigués entre voilà. Et puis mon flop. Et puis oui, ça fait un peu pendant 60 ans la même pièce, c'est lourd quand même. Et puis sauf s'ils aiment vraiment beaucoup la pièce, mais non, mais je vous conseille d'y aller, chers auditeurs. Courez-y, comme dirait Cassandre. Et puis mon flop, c'est pour le climat des affaires qui ressurgit un peu en politique. Alors même si pour l'instant on ne sait pas s'il y a quelque chose d'illégal ou pas, en tout cas avec ce qui se passe, que ce soit autour de Richard Ferrand ou de l'affaire des attachés parlementaires, c'est dommage de voir que toutes ces thématiques ressurgissent et de voir que les affaires deviennent de plus en plus présentes dans la vie politique, bien sûr. C'est dommage, surtout que ça nuit à un véritable débat de fond. Comme voilà, de nouveau pour les législatives, ça nuit à un débat de fond, comme ça l'a fait pendant les présidentielles. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis, chers auditeurs. Merci à toi, Pierre, d'avoir été notre invité. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité, pour échanger sur ce débat très important. Nous avons pris beaucoup de plaisir à le faire, en tout cas. Voilà, et puis, chers auditeurs, on se retrouve la semaine prochaine sur Webset Radio. Bon week-end et bonne semaine à tous. C'était Apprendre ou à débattre. tous les vendredis, 19h-20h. Web7 Radio, on se retrouve vendredi 19h pour apprendre ou à débattre.